89.4 FM. Fréquence Vie, la radio numéro 1 de tous vos événements chrétiens. Veillées de prières, concerts, dédicaces, promotion de livres et œuvres sociales. Nous sommes avec Caris Group pour parler de formation. Christian Kong est sur ce plateau. Madame Fossou Adeline également sur ce plateau. Et tout de suite, je pose la première question. Parlez-nous de Caris Group et son programme Digital Management Institute. C'est ça, hein? Oui. Alors, Christian, bonjour. Bonjour, mon frère Yikyo. Alors, Caris Group est un cabinet d'expertise en marketing opérationnel et digital. On a créé un programme dénommé la Digital Management Institute qui abrite les formations et on a fait la première session de la formation en marketing digital du 5 août au 17 décembre 2019 et qui a été un véritable succès. Alors ce matin, nous venons parler de la deuxième session de cette dite formation en marketing digital qui débutera le 9 mars 2020. D'accord. Combien faut-il payer pour venir? Il faut payer une somme de 550 000 payable en 5 tranches. D'accord. Alors, vous êtes avec Madame Fossou Adeline sur ce plateau. Bonjour, Madame. Quelles ont été vos motivations en tant que femme d'affaires en venant à Caris Group? Merci. Je suis femme d'affaires, distributrice de produits bio et différents services aussi. J'ai pris part à la première promotion de formation en marketing digital organisée par le groupe Caris. Je peux aujourd'hui dire avec certitude que je suis experte en marketing digital. Aujourd'hui, Internet n'est plus une option, mais il devient une obligation dans tous les domaines d'affaires. Grâce à la publicité digitale, n'importe quelle entreprise peut facilement envisager d'élargir sa clientèle à l'international. En ce qui me concerne, je suis dans le domaine du marketing relationnel depuis 5 ans. Le marketing relationnel consiste à recommander les produits d'une entreprise partenaire qui te paye par des commissions. Depuis que j'ai fait cette formation en marketing digital, je maîtrise des outils pratiques qui me permettent d'être compétente, efficace dans mon activité. De chez moi, j'arrive à toucher des clients sur le plan national et même à l'international. D'accord. Alors, ceci étant, vous avez un appel à lancer rapidement? Oui. Je lance ce matin un appel à toutes les femmes d'affaires, femmes entreprenantes, aux chefs d'entreprise à venir prendre part à la deuxième session de la formation en marketing digital organisée par Caris Group qui débutera le 9 mars 2020. Cette formation est la vôtre. Elle est constituée de 18 modules qui seront dispensés par les grands acteurs nationaux et internationaux du marketing digital. Cette formation vous permettra d'être compétitif, efficace et compétent, quelle que soit la taille de votre activité. Ok. Alors, on va retourner à M. Christian. Vous êtes situé où et quels sont vos contacts? Nous sommes situés à la Riviera 3, dans la cité Sidessi, Villa 185. Et c'est plus facile de passer par la Direction Générale des Impôts, située à la Riviera Palmeret, juste en face. Il y a une entrée à 50 mètres. Et les contacts sont 77 18 83 93, 54 39 31 57, 77 18 83 93 54 39 31 57. Je vous remercie. Merci Christian Kong et merci également à Mme Fossou Adeline d'être passée pour le compte de Caris Group que vous venez de présenter. Bonne journée. Avec Jeunesse en Mission, nous parlerons de formation mobile, formation des formateurs dénommés Éduquer pour la vie. Raphaël Bonny, notre confrère et frère, est sur ce plateau pour nous préciser que ce sera du 16 au 22 février prochain à Dabou. Bonjour. Bonjour. Les nouvelles sont bonnes? Oui, alors nous sommes là pour vous parler encore de cette formation intitulée Éduquer pour la vie, une formation en éducation chrétienne qui s'adresse à tous les acteurs de l'éducation, même les parents qui veulent apprendre à aider leurs enfants à étudier sont conviés à ce programme de formation. Le thème de cette session, c'est comment aider les enfants à étudier, parce que les enfants apprennent de différentes manières. Si vous ne connaissez pas le mode d'apprentissage d'un enfant, vous allez frapper un enfant pour rien. Donc, nous allons parler aussi du style d'apprentissage des enseignants, parce que les enseignants aussi ont un mode d'apprentissage, de l'évaluation, de la discipline, en sorte tout ce qui entre en ligne de compte dans l'apprentissage des enfants pour leur épanouissement. Pour que l'enfant soit meilleur, il faut savoir l'enseigner. Même les répétiteurs aussi sont concernés. Donc, vous êtes tous invités. C'est une formation qui dure une année, mais ce module-là va se tenir du 16 au 22 février. D'accord. Du 16 au 22 février, ce programme est prévu à Dabou, aider les élèves à étudier. Chimène Guémo est donc l'oratrice principale à ce programme-là. Boni, avant de partir, quels sont vos contacts? Alors, oui, Chimène Guémo, elle est responsable Afrique du programme Éduquer pour la vie, qui s'inscrit dans le cadre de l'Université des Nations. Donc, c'est assorti d'un diplôme de l'Université des Nations. Et c'est 10 000 francs l'inscription et 70 000 francs pour le nouveau. Et donc, vous êtes tous conviés, les contacts 07 69 38 90, 07 69 38 90, au lycée Jeune Fille de Dabou, lycée d'excellence. Hein, donc, vous pouvez nous contacter et puis bénéficier de cette richesse qui est très pratique, je tiens à le souligner, pour les pasteurs, enseignants, acteurs de l'éducation. Nous vous attendons. Merci, Raphaël. Nous recevons Narcisse Ngata, cette dame qu'on a Mignamie Tidan, condensée de 8 titres sur le marché depuis le 19 août 2019. Et on reçoit ici Narcisse pour nous en dire un peu plus. Oh, Mignamie Tidan. Mais Mignamie Tidan. Ouais, voilà, c'est en langue baoulée. Oui, pour dire que l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Pour simplement faire comprendre au peuple de Dieu que nous servons un Dieu qui est puissant, qui est grand. Et au travers de ce condensé de 8 titres, c'est juste un message de remerciement, d'inviter le corps de Christ à servir l'Éternel, à permettre au cœur de Dieu d'être toujours réjoui, parce que nous devons témoigner de notre reconnaissance de la grandeur de Dieu en marchant conformément à sa parole. Et tout cela se fait en louange, en action de grâce, avec des rythmiques de chez nous, comprenez. Donc nous allons enlever Baoli avec tout ce que nous avons comme culture pour louer le Seigneur et de célébrer. Mais la particularité de cet album, c'est que cette fois-ci, sur cet album de Dame Conan, vous la découvrez en adoration et vous aurez du reggae. D'accord. En tout cas, tous les genres musicaux se retrouvent dans ce tout dernier album de Dame Conan, Mignamie Tidan, qui porte à trois le nom de Stéphane Ouvan. À deux. Première sortie 2013, puis la seconde sortie pour cette année. Ok. Que reste-t-il à dire, Narcisse, avant de donner le contact du staff managérial de Dame Conan? Oh, ce qu'on aurait dit, c'est de continuer encore à soutenir Dame Conan. Leur dit au passage merci pour tout ce qu'ils font et dit qu'elle reste disponible et disposée pour toute cérémonie. Il faut donc savoir que le CD coûte 3000 francs. Il est disponible dans tous les points de vente habituels ici même à la radio Fréquence Vie et dans tous les réseaux d'adoration. Vous ne citez que cela et précisez que très bientôt vous aurez le conseil dédicace de Dame Conan et un seul contact pour aujourd'hui, 47 76 52 25 47 76 52 25. Achetez votre CD Mignamie Tidan de Dame Conan. D'accord, Mignamie Tidan de Dame Conan disponible dans tous les bacs. C'est 8 titres vendus à 3000 francs, sorti depuis le 19 août 2019, qui parle de reconnaissance à Dieu, de la délivrance et puis de la grandeur de notre Dieu, surtout de son amour. Narcisse Ngata était sur ce plateau. Très très bonne journée et puis à demain. Merci. Alors, c'est sous le haut patronat du Dieu Tout-Puissant, Père des Orphelins et l'Époux de la Veuve, que l'ONG Minoge, en collaboration avec l'ONG Petra Rock, donc organise une nuit de lamentation et de prière. À cet effet, je reçois sur ce plateau deux serviteurs de Dieu. Le tout premier, c'est Jean Alain Mahan. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis, à côté se trouve Marthe Dion, le pilier. Bonjour à vous également. Bonjour, sois béni. Alors, de quoi est-il question quand on dit nuit de lamentation et de prière? À vous, Jean Alain Mahan. Je vous remercie. On parle de nuit de lamentation compte tenu de cette année 2020 qui est vraiment stratégique pour la Côte d'Ivoire, notre pays. Cette année, il y aura des élections. Donc, par la révélation que Dieu a faite à la révérende, on a suscité cette nuit de lamentation et de prière dénommée le cri de la veuve et de l'orphelin en faveur de la Côte d'Ivoire. Parce que les veuves et les orphelins sont les prunelles des yeux de notre Seigneur. Dieu est sensible à leurs prières. Donc c'est pourquoi l'ONG et Petra Rock ont organisé cette nuit pour que la Côte d'Ivoire puisse connaître une paix venant de Dieu. D'accord. Et ça va se tenir quand et où? Cette nuit aura lieu au siège de l'ONG Minoj, si à Yopougon-Soufia, non loin de la pharmacie du marché. Vendredi 7 février 2020, de 20h à l'aube. D'accord. Et le thème, c'est Lève-toi, car cette affaire te concerne. Reverend Marc Dion, les piliers. Oui. Bonjour à tous nos auditeurs. Comme l'a dit, on l'appelle affectueusement grand frère Marc. Oui, à l'ONG Minoj, il est notre conseiller. C'est un message reçu du Seigneur. Et donc, Minoj, qui travaille parmi les orphelins, les veuves, les enfants démunis, les prisonniers, les enfants de la rue, avec la collaboration de l'ONG Petra, qui travaille parmi les veuves et les orphelins. Nous voulons prier avec les veuves et les orphelins. Notre paix dans ce pays dépend de la paix de la nation. Et nous ne sommes pas à notre première édition. En 2007, le Seigneur a donné l'ordre. On a prié à l'époque. Dieu nous a gardés malgré que nous disons que nous avons eu des difficultés, mais ça n'a pas été comme les autres pays. Cette année encore, le Seigneur nous demande de nous lever, puisque c'est l'année où il y aura des élections, il y aura ceci, cela. Le Seigneur nous a dit d'avertir, de dire aux malades à l'hôpital. Donc si tu es malade, que tu es couché, écoute bien ce message. La nuit du 7, à partir de 21h, oublie la douleur que tu vis, commence à intercéder pour le pays. Quel que soit là où tu es, si tu as l'opportunité d'écouter Radio Fréquence Vie, que tu écoutes ce message. La nuit du 7, à partir de 21h, lève-toi, répands-toi et crions à l'Éternel en faveur de notre nation. Les hommes et les femmes dans cette nation, quand on lance l'appel, ils nous nourrissent, ils nous donnent de quoi. Ce que nous pouvons faire pour la nation, c'est de nous lever et prier. On n'a rien demandé d'autre. On dit lève-toi le 7. À partir de 21h, frère Ikyo, ce sont des actes qui ont commencé. Oui, c'est tellement important que... Voilà, nous allons faire le tour de la Côte d'Ivoire. C'est la première édition. Nous commençons déjà par inviter toutes les veuves chrétiennes, toutes les mamans dans les églises. Nous avons besoin des veuves prieuses. Et même si tu n'avais pas l'habitude de prier, cette nuit-là, il faut venir. Aujourd'hui, mercredi, on a dit qu'on commence un jeûne de 3 jours. Donc nous prenons le psaume 51 pour demander pardon à Dieu. Pour nous-mêmes, parce que nous-mêmes là, ce que Dieu attendait de nous, c'est pas ça. Donc nous allons nous sanctifier et demander pardon au Seigneur pour le pays et qu'il jette un regard favorable sur notre nation. On vous donnera pour demain. Et vendredi, nous nous retrouvons au siège de l'ONG Minoj. À partir de 21h00, nous allons crier à l'Éternel jusqu'au matin. Il y a écrit que je mettrai la paix dans le pays et personne désormais ne troublera votre sommeil. D'accord. Et ce n'est pas la prière. Nous voulons crier à l'Éternel pour sauver notre nation. Il n'y a que Jésus seul. Il va délivrer notre nation à cause de la prière que nous voulons faire. L'ONG Minoj est située à Yopougon-Sojefia. Nous ne sommes pas loin de la pharmacie du marché et de la pharmacie Shalom au pont vagabond dénommé désormais pont des travailleurs. 09 18 24 95 09 18 24 95 ou le 05 99 93 64. Les papas pasteurs, les mamas pasteurs, encouragez les orphelins, les veuves de vos églises à se joindre à nous pour crier en faveur de la nation. Dieu nous bénit. Merci. C'était la révérende Marthe Dion Le Pilier et le serviteur Jean-Alain Mahan que nous recevions pour parler de cette nuit de prière et de lamentation surtout. Au revoir.